Any moment now, George and LM will be returning to the hotel to collect both the fax and the wallet. But before that, there's a rather important matter. Les deux livres. Écoutez. Merci, monsieur. Oh non, non, ce n'est pas nécessaire. Nous revenons tout de suite. À bientôt. Il n'y a pas de problème. Non, monsieur. Le portefeuille est à l'hôtel. Oh, c'est bien, n'est-ce pas? Très bien, monsieur. Et merci beaucoup. Oh, yes. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Mais vous ne voulez pas les livres? Les livres? Oh, excusez-moi, monsieur. Voici ma carte de crédit. Merci, madame. 23,30 €. Thanks, Helen. I'll pay you back as soon as... Il n'y a pas de problème, d'accord? Oui, d'accord. Attendez un moment. Ce roman de Stephen King, est-ce le plus récent? Oui, madame. Bon, je le prends. Oui, madame. Let me get it for you. As a present. Monsieur... Oh non, non, ce n'est pas possible. Please, you've been so helpful. Oh, vous êtes bien aimable. You are very kind. Not at all. Monsieur, c'est... C'est combien? Oui, c'est combien pour the three books? Pour les trois. Voyons, les trois livres, 12,30 € pour le guide, plus 11 pour le dictionnaire, plus 21 pour le roman. Ça fait 44,30 €. So, George has bought his dictionary and phrasebook, which Hélène's paid for. And he's also bought Hélène a book. And she's paid for that too. Yes, but only until he retrieves his wallet, which will be any moment now. Of course.